grosses truites dans mon bassin. Des grosses grosses truites dans mon magasin. Viens en pêcher une ou deux. Viens en pêcher, ça te rendra heureux. Grosses truites, j'ai des grosses truites. Grosses truites, le meilleur des poissons. Grosses truites, j'ai des grosses truites. Grosses truites, pêche-les à ta façon. Avec un hameçon et un verre de terre, ou avec du blé d'Inde et un bouchon de bière. Mes truites ne sont pas très difficiles. Tu peux même en pêcher avec un bout de fil. Grosses truites, j'ai des grosses truites. Grosses truites, le meilleur des poissons. Grosses truites, j'ai des grosses truites. Grosses truites, pêche-les à ta façon. Y'a la truite arc-en-ciel et la truite argentée. Les deux sont très bonnes à manger. En plus, le poisson, ça rend plus intelligent. Tu peux donc en manger très souvent. Grosses truites, j'ai des grosses truites, oh yeah. Grosses truites, le meilleur des poissons. Grosses truites, j'ai des grosses truites. Grosses truites, pêche-les à ta façon.